Chapitre 28e. Crainte. Un matin du mois d'avril, Madame Halliburton se rendit chez M. Ashley. Elle lui apportait le trimestre de son loyer. « Voulez-vous me permettre de vous le remettre désormais à vous-même, monsieur ? » demanda-t-elle. « J'éprouve une insurmontable aversion à voir la moindre affaire avec M. Dare. »« Je vous comprends parfaitement, madame. Oui, vous pouvez me payer directement, mais rappelez-vous toujours que je n'en suis pas pressé, » ajouta-t-il en souriant. « Je vous remercie, monsieur. Vous êtes bien bon, mais je préfère m'acquitter régulièrement. » Il écrivit le reçu et le lui tendit. « J'espère que vous êtes content de William, » demanda-t-elle en pliant le petit papier. « Tout à fait. Je crois qu'il satisfait Monsieur Lynn. J'ai peu à m'occuper de lui. Monsieur Lynn me dit qu'il est remarquablement franc et ouvert. « Vous le trouverez toujours ainsi, » dit Jane. « Il se réconcilie davantage avec les manufactures maintenant. » « Est-ce qu'il ne l'aimait pas au commencement ?»« Non, monsieur. Il avait espéré rencontrer un emploi plus conforme à la manière dont il a été élevé. Il ne peut sauter de l'idée qu'il est au même niveau que ces pauvres enfants de votre établissement et qu'il a perdu son rang dans la société. Il aurait voulu entrer chez un notaire, par exemple, où la journée se termine de bonne heure, et il aurait pu travailler pendant la soirée. Mais il en prend de mieux en mieux son parti. Je suppose qu'il aurait voulu continuer les études. Oui, naturellement. Ses frères sont au collège et William sent la différence qu'il y a entre eux et lui. Il prend bien ses livres une heure le soir en rentrant, mais il est fatigué et n'avance pas beaucoup. Il me paraît plus persévérant, plus sérieux que la plupart des garçons de son âge, observa M. Ashley. Il est très sérieux, en effet. J'ai toujours cherché à semer la bonne graine chez mes enfants. J'ai essayé de m'en faire des amis et j'ai réussi. J'avoue qu'ils sont doués de grandes qualités. Il est rare que les enfants connaissent les chagrins de si bonne heure. La mort de leur père et nos adversités ont été des épreuves pour eux aussi, je le crois. À l'âge où les autres enfants ne songent qu'à s'amuser, mes fils ont connu les tristesses de la vie. Je n'ai pas besoin de recommander à Frank et Edgar d'étudier leurs leçons. Ils le font d'eux-mêmes. Ils savent que l'instruction sera leur seule richesse, leur seul moyen de réussite. Si William avait été moins facile, moins réfléchi, moins consciencieux, j'aurais eu de la peine à le faire travailler comme il le fait maintenant. « Se plaint-il ? » demanda M. Ashley. « Oh non, monsieur, il comprend son devoir, mais je vois bien qu'il aimerait être avec ses frères. Je l'encourage en lui disant que les choses pourront s'améliorer. » Elle se leva, M. Ashley lui serra la main et la reconduisit. « Vos fils avanceront, Madame Halliburton. » C'est une magnifique promesse d'avenir que tant d'énergie et de réflexion chez des garçons si jeunes. « Maman !» s'écria tout à coup Jenny le lendemain à déjeuner. « Sais-tu quel jour c'est aujourd'hui ? C'est mon jour de naissance. » Jane s'en souvenait. Elle avait presque espéré que l'enfant l'aurait oublié. Une année auparavant, jour pour jour, avait lui le premier éclair, précurseur de l'orage, qui depuis lors avait éclaté sur eux. Un an auparavant, ils étaient tous dans une belle maison. Ils vivaient dans l'abondance, dans la sécurité. Et maintenant ? « Oui, ma chérie, » répondit-elle tristement. « Je ne l'ai pas oublié, je... » Un coup à la porte d'entrée l'interrompit. On entendit Dobbs aller ouvrir. Madame Rice recevait souvent des visites. Qui donc était là, debout à la porte, sinon Samuel Lynn ? Il ne prenait jamais la porte du fond comme patience. « Jane Halliburton y est-elle ? » demanda-t-il. « Vous pouvez aller voir, » dit Dobbs, les a pointés et montrant de la main la porte de la salle à manger. « Elle n'est pas souvent dehors. » Jane se leva, mais le coq refusa de s'asseoir pour faire la commission dont il avait été chargé. Ami, tu n'as pas besoin d'envoyer ton fils à la manufacture le soir, excepté le samedi. Les autres soirs, il pourra rester chez lui à travailler depuis l'heure du thé. Ses gages n'en seront pas diminués. Et Jane comprit qu'elle devait cette attention à Thomas Ashley. Son ouvrage lui devenait toujours plus facile. En été, elle pouvait gagner jusqu'à 15 francs par semaine. Avec les gages de William et les 10 francs de Madame Rice, elle pouvait dépenser 30 francs par semaine. C'était une fortune en comparaison du passé, mais elle ne pouvait compter régulièrement sur cette somme. Souvent, il fallait prendre sur son temps pour accommoder les vêtements de ses enfants. Puis il avait fallu acheter des habits neufs. Aussi le ménage n'était-il guère plus au large. Une après-midi que Jane était seule au salon, occupée à raccommoder du linge, on frappa à la porte. C'était Dobbs qui annonçait sa visite. « Entrez !» Dobbs entra et va s'asseoir en face de Jane. On était en été, la poussière d'août pénétrait par la fenêtre ouverte. « Je voudrais savoir ce qu'a la petite Jenny. » commença-t-elle sans circonlocution. Jenny, répéta Madame Halliburton, que peut-elle donc avoir? Je ne me suis aperçu de rien. Naturellement, répliqua sarcastiquement Dobbs, il y a des gens qui n'ont Dieu que pour être plus aveugles. Tant pis, vous n'y voyez rien, ma maîtresse non plus, mais je vous dis que cet enfant est malade. Oh, Dobbs, je crois que vous vous trompez. Je vous prie d'être poli, Madame Halliburton, fit Dobbs avec hauteur. J'espère que vous ne me prenez pas pour une domestique ordinaire. Ne savez-vous pas qui est Dobbs? Je n'avais pas l'intention de vous offenser, dit Jane. Je suis si accoutumée à entendre Madame Rice vous appeler Dobbs que ma maîtresse et les autres font d'eux. Interrompit Dobbs. J'ai un manche à mon nom. Je m'appelle Madame Dobbs, et je vous serais bien obligée de ne pas l'oublier. Pour quelle raison Jenny est-elle toujours fatiguée maintenant, je vous le demande? Pourquoi est-ce qu'elle n'aime pas à bouger, et qu'elle a des taches rouges sur les joues et dans le creux des mains? Ce n'est que l'effet de la chaleur. Cette opinion des plus forts à Dobbs. Il n'y a rien qu'on ne mette sur le compte du temps, s'écria-t-elle. La chaleur, en vérité. Si Jenny ne s'en bat pas comme son papa, ce sera du nouveau. Le cœur de Jane battit. Est-ce qu'elle ne transpire pas la nuit? Oui ou non? Reprit Dobbs. Elle me dit qu'elle a chaud et qu'elle est toute mouillée. Ainsi j'en conclus qu'elle transpire. Ce n'est que la chaleur, rien que la chaleur, répéta vivement Jane. Eh bien, la première fois que j'irai en ville, je l'amènerai chez Paris. Ce ne sera pas à vos frais, ajouta-t-elle d'un ton fort peu gracieux, comme Jane allait se récrier. S'il demande pourquoi on l'a conduit chez un médecin, je lui dirai que c'est pour ses dents. Elle a une vilaine toux. Vous ne vous en êtes pas aperçu non plus. Il y a des parents qui ne voient pas leurs enfants dépérir sous leurs yeux, et il faut que ce soit les étrangers qui s'en aperçoivent. Elle tousse depuis la semaine passée, depuis le jour où elle est allée avec Annaline dans le champ derrière la maison, et qu'elle est rentrée les pieds mouillés. Oh, je suis bien sûr qu'elle n'a rien de grave, dit Jane, essayant résolument de bannir toute crainte. Il faut que je la fasse revenir. J'ai besoin d'elle. Alors elle ne viendra pas vous aider, répliqua Dobbs d'un ton décidé. Elle a bien dîné et elle est maintenant dans mon fauteuil en face de madame. Son envie de toujours se reposer aurait dû dire à certaines gens qu'elle était souffrante. Quand les enfants sont bien portants, leurs jambes et leurs langues sont toujours en l'air. Ils n'ont jamais besoin de s'asseoir, et si vous ne leur donniez pas des sièges à table, ils mangeraient bien debout. Jenny a toujours besoin de se reposer. Elle se reposera. Mais pourtant, il faut qu'elle m'aide, insista Jane. Elle peut très bien coudre. Regardez donc ce paquet de raccommodage. Il faut que je le finisse ce soir. Je ne puis pas m'en occuper demain. Quel raccommodage faites-vous là? Demanda Dobbs en soulevant l'ouvrage avec brusquerie. Je le ferai moi-même, plutôt que de tourmenter cet enfant. Oh non, merci, je ne voudrais pas vous déranger. Je ne vous offrirai pas de faire cet ouvrage si je ne voulais pas le faire, fit aigrement Dobbs. Vous ferez bien de me le donner si vous voulez que ça se fasse. Jenny n'y travaillera pas aujourd'hui. La prenant au mot, Jane remit à Dobbs une partie de sa besogne qu'elle emporta. Jane la rappela pour lui dire qu'elle n'avait pris ni aiguille ni coton. Dobbs rétorqua qu'elle avait des aiguilles et du coton à elle et qu'elle n'avait pas l'habitude d'en emprunter aux autres. Madame Halliburton resta seule toute l'après-midi. Elle fut interrompue dans ses méditations par le retour de Frank et de Gar, encore plus bruyant que de coutume. Frank, que la moindre bagatelle excitait, avait appris de la bouche même du principal du collège, M. Morton, qu'il pouvait se faire inscrire comme candidat à une place vacante dans le cœur de l'église. Cette nouvelle devait suffire à mettre Frank hors de lui pendant toute une semaine. « Tu sais comme j'ai une jolie voix, maman, » répétait-il constamment. Comme j'ai l'oreille musicale, aussi bonne que ma tante Marguerite, m'as-tu dit. Je suis sûr de réussir, si tu veux me permettre d'essayer. Nous devrons rester au collège une heure de plus matin et soir, mais nous pourrons le faire si nous travaillons bien. Quelques-uns des anciens collégiens de Helstonleigh, qui ont pris à Oxford ou à Cambridge, étaient choristes, et je gagnerais 250 francs par an. 250 francs? Ce serait plus que suffisant pour l'habiller, se dit Jane. Et elle demanda d'autres renseignements, qu'il a décidé à permettre à Frank de passer l'examen, dont il se tira à son honneur. « Maintenant, maman, plutôt j'aurai de nouveaux habits, mieux cela vaudra. »« Ah, Frank, ce n'est pas tout profit, » observa sa mère. La réussite de Frank ne causa pas un plaisir général au collège. Depuis le jour de la querelle où William s'était trouvé mêlé, les jeunes Halliburton avaient été en désaccord avec la classe de Cyril Dare qui donnait le ton à toutes les autres. « Voilà qui est fameux, » s'écria Cyril en apprenant le résultat de l'examen. Le propre fils du pasteur éliminé et ce misérable Halliburton mis à sa place. Quelqu'un aurait dû dire aux doyens ce qu'ils sont. Qu'est-ce que ça lui aurait fait ? Grommela un autre, dont le frère cadet était au nombre des refusés. Le doyen ne pense qu'à avoir de bonnes voix dans le cœur. Dis donc, où est-ce qu'ils demeurent, ces gens ? Dans une maison de Ashley, sur la route de Londres, répondit Cyril. Ils ne pouvaient pas payer, et mon père a dû faire saisir leurs meubles. Allons donc, Dare, c'est très vrai. Vous savez bien que mon père perçoit les loyers pour Ashley. On allait vendre leur mobilier quand Ashley, il est si drôle quelquefois, leur a donné du temps. Oh, ce sont d'affreuses gens. Pensez donc qu'ils n'ont pas de domestique. Il serait impossible de décrire la stupéfaction causée par cette annonce. Je vous dis qu'ils n'en ont pas, répétait Cyril. J'en ai accusé un jour Halliburton Senior, et il m'a dit en face qu'il ne pouvait pas en avoir. Le drôle possède une impudence sans pareille. L'aîné est commissionnaire à la manufacture d'Ashley, commissionnaire, et son frère qui fait partie du cœur, qui passe par-dessus les messieurs. Il mériterait une fameuse volée, Halliburton Senior. Au collège, Frank s'appelait Halliburton Senior, l'aîné, et Gar, Halliburton Junior, le plus jeune. Comment se fait-il qu'il était au collège royal avant de venir ici ? J'ai entendu Morton le dire, demanda un des garçons. À ce moment, M. Morton cria « Silence !» Cyril laissa une minute s'écouler, puis reprit « Comprenez-vous ça ? Ne pas avoir de domestique ? Nous qui ne pourrions pas nous passer de 5 ou 6, savez-vous ? Les autres feront ce qu'ils voudront, mais notre classe devrait rompre tout à fait avec ces deux drôles. » Et la classe le fit, et Frank et Gar eurent à supporter bien des mortifications. Frank luttait comme un petit lion, mais il n'y a pas de résistance qui abatte certaines oppressions. Plus d'une fois, le pauvre enfant rentra tout en larmes raconter ses chagrins à sa mère. Jane chercha à le consoler comme elle avait consolé William. « Patience et courage, mon petit Frank. Avec le temps, tu surmonteras toutes ces tribulations. »